me on RIC. RIC. Oh, la marche, c'est vachement toujours de Nexo. RIC 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Je vous assure que dans le studio, il fait très, très, très chaud. Si j'étais pas sur Periscope, peut-être que je ferais de la radio aux trois quarts nus, mais ce sera pas pour cette fois. Non, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'avant-dernière saga des Fab Four de l'année, la numéro 301, avec pour album de la semaine l'album Let It Be, sorti par les Beatles en 1970. On écoutera One After 909, composé à la fin des années 50, par les pré-Beatles, si on veut, et puis joué en 63, mais pas retenu, et puis joué finalement enregistré pour l'album en 1970. Bref, One After 909, puis Across the Universe, For You Blue, The Long and Winding Road, Let It Be, et on finira avec I've Got a Feeling pour l'album de la semaine. Ensuite, il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr, bien entendu. Pour McCartney, Junk, qu'on écoute trop rarement sur l'album McCartney en 1970. Il y aura également Love de John Lennon en 1970 aussi sur l'album Plastic Ono Band. Pour Harrison, ce sera Wow Wow, toujours en 1970. Vous avez remarqué, le début de l'émission, on vous proposera tout ce qui a été proposé par John, Paul, Ringo, George la même année, en 1970. Donc, sur l'album All Things Must Pass. Et puis, avec Ringo Starr, ce sera Bye Bye Blackbird sur le très bon album Sentimental Journey. Vous l'avez compris, sorti en 1970. Voilà. Restez tranquillement chez vous. Mettez-vous à l'aise. C'est la saga qui commence. Ça dure pendant 2 heures. C'est comme ça toute l'année, de septembre jusqu'à juin. Après, on fait une petite pause en juillet-août. Et tout va bien se passer. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur Periscope. Il y en a 6 pour l'instant, mais ça fait 3 minutes que j'ai lancé Periscope. Donc ça va augmenter, je le sais. Et installez-vous tranquille. C'est parti pour 2 heures de Beatles. Et c'est comme ça la saga des Fab Four depuis 1984. Oui, c'est fou, je sais. Première chanson, One After 909. Bonne soirée. My baby says you're traveling on a one after 909. I said move over, honey, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Out the door and a beggar on my bed is me. You're only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up a bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're driving on the one after 909. Move over, honey, I'm traveling on that line. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bags,

sommes en 1970 et c'est sur l'album Plastic Ono Band de John Lennon. Love, cette chanson dont Phil Spector joue la délicate partie de piano de cette ballade tendre et simple et dont la douceur anticipe l'album suivant Imagine. En 1980, John évoqua cette chanson avec affection, certainement parce qu'elle lui rappelait l'une des périodes les plus harmonieuses de son mariage avec Yoko. Il avait tendance à rejeter ses chansons les plus violentes en jugeant qu'elles trouvaient leurs racines dans la culpabilité et le mépris de soi, en les considérant comme l'expression d'une colère passagère, tandis que ses chansons romantiques conservaient pour lui leur attrait. De fait, il cita Love et Imagine comme deux de ses compositions qu'il considérait comme aussi bonnes que ce qu'il avait fait de mieux avec les Beatles. Et c'est vrai que c'est une excellente chanson de John Lennon. Voici maintenant George Harrison, montez le son, ça va faire du bruit. Et il y a Phil Spector encore aux manettes de la production. Voici Wawa sur RIG. On l'a vu, Paul McCartney et John Lennon, la simplicité en 1970. George Harrison, c'était vraiment le déploiement de beaucoup de chansons qu'il avait gardées en lui. Et puis Ringo Starr, lui, tranquille, les chansons des années 30-40, juste pour se faire plaisir. Comme celle-ci, par exemple, Bye Bye Blackbird. Sur RG. And woe, here I go, singing low, bye, bye, blackbird, where somebody waits for me, sugar is sweet, so is she, bye, bye, blackbird, no one here can love and understand me. Stories they all hand me. Take my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, bye, bye, bye, blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, what hard love stories they all hand me. So make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. On a écouté Paul McCartney, on a écouté John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. On en arrive donc aux Beatles, forcément. Et puisqu'on en arrive aux Beatles, il faut parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est celle qui dirige à Londres le magazine Beatles Magazine. Vous allez sur Beatles Magazine UK. uk.com en français, Beatles Magazine uk.com, et vous saurez tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 266 jours par an quand on est une année bissextile, sur John, Paul, Ringo et George. Vous saurez tout sur les tournées de Ringo, les tournées de Paul, les amis qui gravitent autour de ces quatre fantastiques de Liverpool, comme par exemple Eric Clapton, pourquoi pas, mais d'autres aussi, et également sur les animateurs qui font des émissions comme ça sur les Beatles. Si vous voulez tout savoir, allez sur Beatles Magazine uk.com, sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. Merci, merci Lovely Rita et longue vie au Beatles Magazine. Très très belle chanson, Across the Universe sur RG. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackal day, oh. undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. On peut le dire que le soleil est revenu. Voici George Harrison avec les Beatles, Here Comes the Sun, en 1969 sur l'album Abbey Road. RIG, la radio des Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. pas une belle chanson près avec George Harrison du temps des Beatles. Voici l'autre chanson que j'adore, While My Guitar Gently Weeps, un an avant, en 1968, sur l'album blanc des Beatles. Quelle fantastique chanson que celle-ci, While My Guitar Gently Weeps, sortie en 1968. George était en train de lire le Yi King, le livre chinois des transformations, et décida d'appliquer son concept fondé sur le hasard à la composition. Un jour, il prit un roman sur une étagère, décidé à composer une chanson à partir des premiers mots qu'il lirait. Ces mots furent Gently Whips, pleure doucement. Et George se mit à écrire. Il commença à enregistrer en juillet 1968, mais trouva que les autres Beatles n'accordaient pas suffisamment d'intérêt à sa chanson. En septembre, il reprit l'enregistrement, mais avec son ami Eric Clapton à la guitare. Le reste, on le sait, c'est une superbe, superbe chanson des Beatles, signée George Harrison. En 1975, Call Me Back Again sur l'album Venus and Mars, c'est Paul McCartney sur RG. A little baby boy. Every night there's the music in the air. A little old soul beat, there's dancing everywhere. I would tell the whole world, tell them if I could, to add a little song into each life. Oh, it's a finger snapping good. Oh, oh. Pardon me, boys, but could you use it? We're gonna make a little music. You got soul, now don't you lose it. We're gonna make a little music. Everything's gonna be mellow. We got just to sing it a cappella. Everything's gonna be mellow. We got just to sing it a cappella. Oh. On en parlait sur Facebook parce que, je vous rappelle, vous pouvez commenter avec moi, avec vous, sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com dans le chapitre La Saga des Fab Four, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Pourquoi Saga Fab Four ? Parce que Fabulous Four était le surnom des Beatles dans les années 60. Et donc c'est devenu comme ça, La Saga des Fab Four. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, sur Facebook, on avait parlé un petit peu de Ringo en disant, voilà, une dizaine de chansons intéressantes de Ringo. Et en fait, il y en a beaucoup plus, après la séparation, de chansons très très intéressantes de Ringo. Celle-là, par exemple, est plutôt pas mal. On revient à l'album de la semaine. L'album, c'est Let It Be, sorti en 1970, le chant du cygne, le dernier album. Alors, pas le dernier album enregistré, c'est l'avant-dernier album enregistré, mais c'est le dernier album sorti. Il est resté dans les tiroirs pendant quasiment une année, de façon, parce qu'il y avait des problèmes. Vous voulez que je vous explique ? Alors, deux mots. L'idée d'origine, c'était Get Back, retour à l'origine quelque part, c'est-à-dire l'idée de Paul McCartney, entre autres, parce que c'est souvent lui qui tirait les rênes à cette époque-là, c'était on a fait beaucoup de réenregistrements, on a fait beaucoup de musique compliquée, on va revenir aux choses simples, ce qu'on peut faire nous quatre dans le studio, c'est tout. Ça a démarré comme ça. Et puis c'est devenu complètement différent parce que suite à plein de problèmes, eh bien ils ont confié les rênes pas seulement à George Martin, plus à George Martin, à d'autres personnes qui a claqué la porte. Et puis McCartney n'était pas content de ce qu'on a fait avec Phil Spector de The Long and Winding Road. Et finalement, eh bien, c'est resté dans les cartons pendant, une année. Pour ressortir finalement, en 2003, McCartney aura quelque part gain de cause puisqu'il va sortir Let It Be Naked avec ce qui aurait pu être l'album Get Back. Voilà. Eh bien, voici For You Blue, sorti en 1970 sur l'album Let It Be. C'est chanté par George Harrison et c'est sur RIG 90.7. Because you're a sweet and lovely girl, it's true. Many roads can take you there, many different ways. takes you days. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. C'est assez amusant finalement Périscope, parce qu'il y a les gens qui sont habitués à la saga des Fab Four, qui connaissent, qui écoutent et qui à qui ça plaît. Et puis il y a les inconnus qui bon s'amusent quelquefois à dire un petit peu n'importe quoi. Cela, je ne réponds pas. Quand quand il y a une question bien sympa, etc., ben je réponds si je peux, parce que faut que j'ai le temps de le voir. Et puis pour le reste, il y a la saga des Fab Four sur Facebook, si vous voulez vous joindre à nous, poser vos questions et être entre amis, parce que c'est ça la saga des Fab Four. Ça dure depuis 32 ans déjà, que le temps passe. Voici John Lennon en 1975 sur l'album Rock and Roll, et ça va rocker justement. Voici Bonnie Maroney sur RIG. She's asking me as a star. Ça faisait partie de la session de l'année 1975, de la session rock'n'roll, mais ça n'est sorti qu'en 1986 sur l'album Men Love Avenue. L'album s'appelle comme ça, et le titre de la chanson que vous venez d'entendre de John Lennon, c'est Here We Go Again. À propos de John Lennon, j'ai vu cet après-midi, ou hier, je ne sais plus, une bande dessinée qui s'appelle J'ai tiré sur John Lennon, je crois que c'est ça le titre. Et je l'ai feuilleté, et c'est l'histoire des derniers instants de John Lennon, vu par, on suit l'intrigue de cet imbécile qui l'a tué en 1980. Et bon, alors si vous ne connaissez pas l'histoire, ça peut être intéressant. Si vous connaissez l'histoire, ça fait peut-être un petit peu mal de se rappeler ce genre de truc-là. Mais ça existe, quoi. Et donc, ça peut être intéressant de jeter un œil là-dessus. Voilà, je voulais juste vous le dire parce que je l'ai vu. Et c'était sur John Lennon. Maintenant, il me faut un jingle avec une voix d'hôtesse de l'air. La voici, l'hôtesse de l'air. Bonsoir, je m'appelle Pascal et je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. My baby, she comes out at night. She's taking me by surprise. She's my baby. Like gravy down to the last drop. Mopping. She's my baby, she comes out at night. She's taking me by surprise. She's my baby, like gravy down to the last drop. I keep mopping her up, yeah, yeah, yeah. She's my baby. Well, she's a baby in the morning time when the sleep is in her eyes and the world is waking up. She has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She's the lady of the evening tide when the stars are in the skies. That's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, She my baby, she comes out at night, taking me by surprise, yes, baby. All I crave it, I knew the last try. I keep mopping it up, yeah, she my baby. Sur l'album Wings at the Speed of Sound, Paul McCartney, bien entendu, vous le savez, et c'est une chanson, une petite pépite qui est un petit peu méconnue et que j'avais envie de vous proposer dans la saga des Fab Four. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Let It Be, sorti en 1970. Et voici le titre qui avait fait une grosse graine de désaccord entre Paul McCartney et les autres, puisque Paul McCartney voulait une chanson très cool avec juste le piano, et Phil Spector a mis des tonnes de voix et de sons derrière, un mur de voix comme il a l'habitude de faire. Et c'est vrai que les deux sont bien, la version épurée est très jolie, la version faite par Phil Spector est très bien, sauf que ça n'était pas le principe de l'album qui devait s'appeler Get Back. Voici la chanson The Long and Winding Road sur RIG. The Long and Winding Road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy.

Voilà, franchement c'est pas la même chanson, mais les deux sont bien, j'aime bien les deux. Je vous propose en 17e chanson, en principe, nous en sommes à la 17e, la cover, qui va être légèrement différente, puisque c'est... C'est quelque part une chanson reprise, oui. C'est un montage fait par un internaute. Une chanson de Julian Lennon et une chanson des Beatles. Écoutez ce mashup, Too Late to Get Back. C'est très très bien et j'avais envie de vous le proposer aujourd'hui. C'est super RG. Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Yeah. pouvez retrouver cette chanson-là, I Don't Wanna Do It, sur l'album Let It Roll de George Harrison. C'est un best-of, mais également, si vous le souhaitez, vous avez forcément cet album-là. Donc sur, c'est pas exactement si vous le souhaitez, vous pouvez le retrouver sur la bande originale, voilà, du film. Je crois que c'était Porky's Revenge en 1985. C'est une bande originale de film. Et c'était plutôt très très sympa parce que c'était un inédit. On ne trouvait à l'époque cette chanson-là que sur cet album-là. Voilà, la suite de la saga, c'est dans quelques instants, le temps que j'arrive à trouver le bon album, le voici. Et c'est Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, associé avec With a Little Help from My Friend, maintenant sur RG. Et oui, I get by with a little help from my friend. D'ailleurs, my friend est arrivé. Eric est présent dans le studio. Et tout à l'heure ou pas, il vous proposera son émission et son émission Johnny de A à Z sur RIG. I've got a feeling deep inside, oh yeah. C'est la radio des Beatles. Chanson qui va faire venir la belle Julie Harrison sur Facebook, puisque c'est Blue Sway, l'une de ses préférées de Paul McCartney sur RG. avait parlé des chansons de Ringo, justement, qui sont quelquefois excellentes. En voici une autre preuve. En 1977, Ringo sort un... Il est au creux de la vague. Hein. Il sort un album mauvais. L'album s'appelle Ringo the Fourth. Eh bien, même dans un album mauvais, on peut trouver de belles chansons, comme celle-ci, It Is No Secret, sur RG. Écoutez, c'est du bon Ringo. Sur RG dans la saga des Fab Four, avec cette fantastique habilité qu'a Paul McCartney de vous pondre un titre qui reste dans la tête tout de suite. Hello, goodbye sur RG. 1967.

merci d'être resté jusqu'au bout pour cette 301e saga des Fab Four. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière. Ce sera fini pour cette année, en tout cas. Et on se retrouvera au mois de septembre, bien entendu. Je vous laisse en compagnie d'Eric, qui va vous mijoter un petit Johnny de A à Z du plus bel effet. Merci à tous et à toutes encore. No more Periscope. C'est terminé parce que ça gêne un petit peu la bande passante. Débrouillez-vous pour le dire en anglais à Love Levita. Ça gêne la bande passante. Je pense qu'il y aura moins de coupures en arrêtant de faire Periscope. Voilà, à très très bientôt. Et c'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Salut, ciao.